Chapitre 21e. Ariane était installée depuis 8 jours dans la maison Orline, qui lui semblait encore faire un rêve. Elle avait reçu tant de preuves d'estime et d'amitié de la part de la princesse. Olga la traitait avec tant de délicatesse que l'orpheline ne pouvait croire à une si belle réalité. Cependant, elle se fit bien vite à sa nouvelle position, car ses instincts la portaient vers tout ce qui était élégant et riche. La seule chose pénible pour elle fut de quitter le deuil de sa bienfaitrice sur une prière réitérée d'Olga. La princesse, comme la plupart des dames russes de son temps, n'aimait pas qu'on portât le deuil dans sa maison, et il fallut céder sur ce chapitre. Si douce que fut l'existence d'Ariane, comparée avec ce qu'elle avait pu craindre, le cœur de la pauvre enfant était cruellement éprouvé par des scrupules chimériques. Elle craignait de faire du tort à Olga par sa présence, et finit par le dire à sa compagne. La princesse rassura l'orpheline, mais d'une manière qui fit une autre plaie à son cœur tant de fois blessé. « Aucun doute, dit la grande dame, ne peut effleurer celle que je protège de mon hospitalité. Vous êtes saine et sauve chez moi, mademoiselle. » Ariane remercia, mais le cœur gros. Il en coûtait de ne pas être estimée pour elle-même. Il fallait bien se faire à cette idée cependant, car rien ne pouvait réparer l'outrage du passé. La princesse avait exigé d'Olga qu'elle ne révélerait pas le passé à son amie. C'était la seule condition qu'elle avait mise à l'admission d'Ariane chez elle. La maison Orline était grandiosement ouverte et fort bien fréquentée. On y donnait à dîner tous les mardis. On y dansait 2 fois par mois pendant l'hiver. Une loge aux Italiens employait un autre jour. Cette loge fut pour Ariane une source de joie indescriptible. La princesse s'en servait peu. Elle y envoya sa fille avec Ariane et un chaperon quelconque, choisi parmi les nombreuses parentes laides, pauvres et âgées auxquelles elle cherchait charitablement à faire plaisir de temps en temps. Là, Ariane apprit tout à coup ce que la musique peut donner d'extase à une âme vraiment faite pour la sentir, et son talent y prit plus de force et de maturité. Elle était chez la princesse depuis 2 mois environ, lorsqu'un lundi, à l'opéra italien, elle remarqua, braquée sur elle, une jumelle obstinée qui semblait vouloir attirer son attention. Elle feignit d'abord de ne point l'apercevoir, mais les deux vers entêtés la suivaient avec tant de persistance qu'elle prit le seul parti en pareil cas. Elle s'arma à son tour de son binocle, promena un regard distrait dans la salle, le laissa tomber dédaigneux et froid sur la jumelle insolente, et revint à son indifférence. La jumelle disparut, et au lieu des 2 gros vers ronds dans leur gaine noire, Ariane aperçut les yeux non moins gros, ronds et noirs, du général Trémoff. La jeune femme ne put réprimer un mouvement. Elle n'avait vu le général qu'une fois, à son second concert. Mais le souvenir de la plus vive douleur de sa vie était lié à ce visage de viveur, et elle ne pouvait plus l'oublier. En vain voulut-elle penser à autre chose, s'absorber dans la musique, s'isoler dans des pensées sereines et généreuses. Elle ne le put. Le regard de cet homme et le souvenir de ses paroles la poursuivirent sans pitié jusqu'au matin, durant les longues heures d'une insomnie fiévreuse. « Pourvu, se disait-elle, que je ne le revoie jamais. » Elle n'osait l'espérer. Pourtant, c'était quelque chose que d'avoir passé 2 mois sans rencontrer cet homme qui lui était odieux. Elle ne fut pas si longtemps avant de le revoir. Le jeudi suivant, c'était jour de soirée dansante, il arriva de bonne heure, un homme qui veut profiter d'un bon moment de causerie avant l'arrivée des importuns. « On a été longtemps sans vous voir, général, » dit la princesse en lui indiquant un siège auprès d'elle. « J'étais faire un tour dans mes terres, » répliqua le général. « Je suis parti le lendemain d'un fort beau concert à la salle des chantres. » Ses yeux glissaient du côté d'Ariane, la princesse en aperçut. « Celui de mademoiselle, probablement, » dit-elle avec un petit geste de son éventail. Le général profita d'une nouvelle arrivée pour rapprocher son siège de la chaise d'Ariane. « Je suis déjà, dit-il, un de vos plus chauds admirateurs, mademoiselle. » Et il baissa imperceptiblement la voix. « Il ne tiendra qu'à vous que je le devienne davantage. » Ariane sentit l'insulte et rougit de la tête aux pieds. Ses épaules superbes se rosèrent tout à coup, et le général les contempla avec l'air d'un amateur devant un tableau de maître. Les arrivants entouraient la princesse. La jeune fille se recula pour leur faire place, mais le général n'était pas homme à se laisser décontenancer. « Inscrivez-moi au moins, » dit-il plus bas encore. « Si votre cœur est pris pour le moment, souvenez-vous que j'ai retenu mon tour. »« Monsieur, » dit Ariane, entre ses dents serrées, « vous êtes un lâche. » La princesse se retourna vivement. Seul de tout le groupe, elle avait entendu non la provocation, mais la réponse. Le regard que le général avait jeté sur Ariane l'avait sans doute mise en défiance. « Général, dit-elle, on joue là-bas, et vous ne dansez pas, que je sache. Faites place aux danseurs. » Le général s'éloigna en se dandinant, non sans ajouter une œillade assassine au bagage de sottises qu'il venait de déposer aux pieds d'Ariane. Le seul moyen d'excuser sa conduite est d'avouer qu'il professait la plus mauvaise opinion de toutes les femmes en général et en particulier. C'était un de ces hommes trop faibles pour avoir un caractère, qui en emprunte un tout fait, et qui le plus souvent le choisissent fort mal. Il était tellement sûr de la perversité féminine qu'il avait calomnié Ariane exactement comme il eût avalé un verre d'eau. Il venait à présent de l'insulter avec la même facilité. Il lui croyait un nombre indéfini d'aventures depuis la première. Quoi de plus naturel que de rappeler à une jolie femme, pas cruelle, qu'il tenait ses hommages à sa disposition. La princesse avait vu le mouvement d'Ariane, elle avait entendu ses paroles. Craignant quelque accident, elle essaya une diversion qui réussit. « Monsieur Constantin Ladoff, dit-elle en poussant un jeune homme qui lui parlait devant Ariane encore pâle, « Mademoiselle Ranine. » « Mademoiselle, voulez-vous me faire l'honneur de m'accorder la première contredanse ?» dit la voix musicale de Constantin Ladoff. Ariane pâlit, rougit, s'inclina machinalement, passa son bras sous celui du cavalier et respira plus à l'aise en se trouvant admise dans les rangs du quadrille. « Ah, mademoiselle, lui dit son danseur, si vous saviez le mal que je me suis donné pour arriver à vous connaître, votre voix m'avait fait une telle impression que je suis resté de nuit sans dormir. Ce sont les anges qui vous ont appris à chanter de la sorte. Savez-vous que, c'est bête de l'avouer, ici surtout, pendant qu'on danse, vous m'avez fait pleurer. » Ariane regardait celui qui lui parlait. Les yeux bleus du jeune homme étaient aussi sincères, aussi honnêtes que ses paroles. Elle sourit et répondit de bonne grâce. Celui-là au moins ne la méprisait pas. Vers la fin de la soirée, comme on se retirait, le général Trémoff, toujours content de lui, s'approcha de la maîtresse du logis pour prendre congé et reçut un compliment fort inattendu. « Vous êtes un mauvais sujet, général, » dit la princesse à demi-voix d'un air de reproche. « C'est fort gentil les mauvais sujets, mais entre célibataires ou bien chez les vieilles femmes qui ne craignent plus rien. Moi, j'ai des demoiselles à marier. Vous reviendrez me voir quand il n'y aura plus de jeunes filles dans la maison. » « Entendre, c'est obéir, » dit galamment Trémoff en baisant la main qui le mettait à la porte. « Tâchez que ce soit bientôt, princesse. » La princesse ne put s'empêcher de rire. Cependant, Ariane ne devait pas se remettre de cet affront.